Voici, en deux séries d'enregistrements, de larges extraits du roman écrit et publié par Gustave Flaubert en 1856, Madame Bovary. Pour cette présentation, je me suis appuyé sur les travaux de Jacques Nathan, paru dans les petits classiques Larousse. Je lui ai emprunté les résumés principaux et également quelques précieuses notes que je glisserai en cours d'enregistrement.